cuerpo un sonido de pulpolota. Te pregunto si te afecto de tu aldeo nacional, que incluso me ponga a lograr de ti te rindo la idea. Tú no puedo estar otra parte de su vida de todo. A consulté con mes joueurs, ça le rend vraiment sérieux. Je libérerai toutes ces choses, j'en fais du fort mon skinhead. Tout le monde, aux avant, j'ai pas qu'à discuter dans des problèmes. Si t'es bon, je n'ai pas la paix dans l'entra. Nous en fait tous les capots. Pour un bas, il est très joueur.